Chapitre 7. De chez Centilès à la gare Saint-Lazare, ils n'avaient pas échangé une parole. Fouvard que trouva au fond de sa poche les deux billets de retour, et ils s'engagèrent sous la marquise. Lui suivait Jeanne en songeant. « Que lui ai-je fait? Pourquoi m'en veut-elle ? » Il craignait l'expression morne avec laquelle elle gagnait les wagons de deuxième classe. Le train, bas sur ses roues, avec toutes ses portières ouvertes, s'étirait dans un bâillement prolongé. « Je paierai les suppléments. Viens, nous serons mieux ici, » dit Fouvarc, en désignant un compartiment de première. Jeanne revint sur ses pas et monta. Afin d'éviter les yeux de son mari, elle regarda par la portière. Les quais étaient gris de poussière. De l'eau y croupissait par endroits. Sur la voie, des flaques de graisse s'étalaient entre les rails. L'air confiné, la fumée en suspens, achevait de rendre misérable ce hall immense où les êtres passent anonymes comme des colis. Patiemment, Fauvarc attendit que le train s'ébranla. Deux rangées d'immeubles plats comme des ruines défilèrent. Malgré les lueurs sourdes qui éclairaient quelques-unes des fenêtres, on eût dit la vie improbable derrière ces façades. Vinrent les faubourgs. Un peu de campagne sombre s'insinua, écarta les maisons, se fit entre elles une place de plus en plus large. Jeanne regardait obstinément au dehors, où il n'y eut bientôt plus que la nuit. Fauvarc s'avança vers elle d'un geste franc. « Alors, demanda-t-il en riant, c'est défendu de causer ce soir ? Non. Tu as un reproche à me faire ? » Elle ne répondit pas. « Je vois, tu en as un. » Elle haussa les épaules et le silence retomba. Entre eux du moins, car filant encadré de deux parois de nuit, le train faisait un vacarme terrifiant. Une lumière lointaine déployait par moments de vastes espaces derrière la vitre. Puis de nouveau, c'était un couloir sombre. Fauvarc se recula. Mais son sourire persistait. Il s'abandonna à la fuite du train qui les emportait, Jeanne et lui, pareil à deux cellules d'un organisme dispersé. L'un et l'autre avaient le sentiment que, sortis du cadre où ils étaient installés, leurs existences, ils erraient fragiles et vulnérables. Mais sans doute que là-bas, chez eux, grâce à quelques artifices entourés de leurs murs, de leurs meubles, ils se rappelleraient un but qu'ils s'étaient assigné dans la vie. Et leur caractère propre, renaissant par reflet, les fortifierait en eux-mêmes. Évidemment, rêvait Fauvarc, c'est une tristesse. Nous descendons un jour voir des amis, dans une ville, nous sommes libres, jeunes et sains. Quand même, dès que tombe le soir, il faut songer à dormir. Notre maison est loin. Il faut prendre des tramways, un train, traverser la campagne, plusieurs petites villes, des villages, ensuite marcher dans la nuit jusqu'à certains croisements de route. À ce point précis de la terre, nos lits sont préparés et le chien nous reconnaît quand nous entrons. Après 2 heures de trajet, ils arrivèrent à Vernouillet. La nuit était noire. Sous le crépitement lumineux d'un arc voltaïque, les faces étaient suscitées violemment, mais d'un seul côté comme des masques. Ils reconnurent le visage rubicon à moitié endormi d'un contrôleur. Ils se virent mutuellement avec des joues énormes et des épaules postiches. Ils sortirent mêlés à une foule de monstres silencieux et sages, qui se divisa dès la porte en plusieurs groupes et alla se fragmentant de plus en plus. Bientôt Jeanne et Fauvarc se trouvèrent seuls sur la route. Ils marchaient vite. Le ciel était trop vaste. Deux yeux ronds surgirent. Ils tournèrent à droite, à gauche. Un mugissement s'éleva. « Range-toi !» cria Fauvarc. Jeanne continua, et ils furent ensevelis dans un nuage de poussière. Un juron allait jaillir du cœur de Fauvarc, mais il se maîtrisa, car il haïssait les défaillances morales qui laissent l'être veule et appauvri. « Les riches !» ricana Jeanne. Ces mots l'attristèrent. Cependant, il répondit railleur sans en avoir envie. « Tu en as vu quelques-uns, et non des moindres ce soir ?»« Je te crois !» s'écria-t-elle d'une voix forte, où ils apparaissaient qu'enfin elle descendait sur le terrain de ses réflexions. Elle ajouta, « Tu as vu Cardonneur, cette espèce de vague entrepreneur que tu nourrissais de tes idées, en fait d'architecture ? Il a eu un air bien protecteur en te serrant la main, et il est parti devant nous, dans une somptueuse limousine. »« Pauvre vieux Cardonneur, » répondit naïvement Fauvarc, avec un rire traînant, « et il m'a raconté que son foie est attaqué. »« Si tu savais ce que je me soucie de son foie, » s'écria Jeanne, irritée par cette réponse. Elle reprit. Alors, les sentinelles roulent sur les millions? Le voilà bombardé, peintre officiel, reçu au dîner de l'Élysée, décoré. Il ne lui reste plus qu'à entrer à l'Institut, répondit mollement Fauvarc. Pauvre garçon, il est perdu, sans espoir. Ah, c'est scandaleux! Tu as vu la face rouge de Madame Verdavoir? On l'invitait sans doute parce qu'elle vient de commander sa tête et qu'elle paye cher. Elle portait tant de bagues et tant de bracelets qu'elle avait du mal à remuer les bras. Fauvarc étouffa un petit rire. La pauvre femme ne se doute pas, murmura-t-il, qu'à 7 minutes, nous deux, sur cette route, nous sommes en train de nous payer de la rigolade sur son compte. Jeanne se tut un instant. Son pas se fit plus nerveux. Il esquive toutes mes questions, pensa-t-elle. Soudain, sa voix s'éleva agressive et, dans l'obscurité, résonna fort comme dans une chambre close. Mais enfin, s'écria-t-elle, tu trouves à chacun des raisons de les plaindre. On dirait que chez nous, tout est sujet d'allégresse. Nous, c'est autre chose, dit Fauvarc. Nous sommes heureux. Ils firent en silence le reste du trajet. Lorsqu'ils arrivèrent, le chien aboya. Fauvarc alluma la lampe à pétrole. Une lumière dorée se répandit et vint s'écraser doucement contre les murs. Les décorations de Fauvarc, les meubles de Fauvarc, les toiles de Fauvarc parurent. Il les reconnut joyeusement. C'était bien là ses réserves de force, ses économies de courage. Il retrouvait sa confiance revenue à la maison avant lui. « Ça fait du bien d'être chez soi, » dit-il à voix haute. Il reprit. Sur les routes de Seine-et-Oise, il se rencontre sans doute des gens fortunés, décorés, illustres, mais entre ces quatre murs, je ne connais qu'une paire de monarques tout-puissants. C'est toi et moi. » Jeanne ne répondit pas. Elle entra dans la cuisine, où il fallait réchauffer le dîner. Il l'entendit frotter une allumette, déplacer des casseroles, ouvrir le robinet. Alors, assis sous la lampe, il se mit à réfléchir sans forfaiterie, loyalement. Des vérités s'éclairaient pour lui ce soir. Il regarda encore autour de lui. Y avait-il dans cette maison des traces de Jeanne? Retrouvait-elle aussi en entrant un dépôt de sa vie morale, une richesse qui lui fut propre? Aux heures de lassitude, ses yeux pouvaient-ils s'accrocher à quelques preuves tangibles d'une heure d'enthousiasme et de création? Un chapeau de paille à ruban rose traînait sur une chaise et là-bas, sous le coussin violet du sofa, s'était affaissé un sac à ouvrage. Dans ce milieu où la personnalité du peintre avait mordu jusqu'aux pierres, il n'y avait que ces deux humbles jalons, ces deux objets frêles, et qu'un geste pouvait écarter pour faire souvenir que Jeanne, oui, dans cette pièce, dans cette maison, poursuivait sa vie et, un à un, laissait tomber ses jours dans le passé, qui pour elle était un gouffre sans fond. Le cœur d'Henri était long à s'émouvoir, mais son cerveau s'entoura de ténèbres, et il songea « C'est donc cela le sort des femmes ?» Elle allait, venait, elle préparait la table, surveillait les casseroles. Ah, comme il la trouvait jolie, jeune, comme il trouvait son front et ses yeux lumineux. Cependant, il se disait avec stupeur « Elle n'a qu'un présent. » Et il comprit qu'il devait avoir pitié. Que fait-elle dans la vie? Elle y passe comme une ombre. Elle était mise là par la nature autour du riche et puissant potentat que je suis. Il répéta, « Elle n'a qu'un présent. » Et il comprit pourquoi les femmes y sont tellement attachées. Futiles et variables, elles avaient droit de l'être, puisque rien ne les fixe. La minute qui passe les soulève telles de petites vagues et les laisse prêtes à d'autres frissons. Mais à 7 minutes, il eut une montée de confiance presque mystique. Jeanne s'approchait de lui. Il se rappela cette chose grave, cette chose mystérieuse qu'elle portait un enfant dans son sein. Valentine m'a raconté que Husselin est entré cet an dernier dans de grosses affaires et qu'il a déjà amassé beaucoup d'argent, dit-elle. C'est bien le moins avec le mal qu'il se donne. Il n'y a pas que les imbéciles qui s'enrichissent, conclut Jeanne. Tu n'as que le présent, lui répondit Fauvarc en pensée. Mais c'est tout, le présent du monde avec ses convoitises, ses frénésies, ses jouissances, et ton goût pour ce présent terrible, commencer à lutter contre moi.